Okada bike. I was taking a bike to my house. Quand j'ai emprunté une moto pour rentrer à la maison, en voulant éviter un camion, nous sommes tombés, le conducteur à droite et moi à gauche dans une rigole. And I have found on the left inside a quarter because they are constructing our road. The bike bounced. La moto est tombée sur moi. Home on my side. The entire bike. I'm not telling about it. Tout ce que je pouvais dire, c'est la moto. I was only able to say the bike. Nobody would hear me when I was talking. I just said take the bike. Il y a des gens d'enlever la moto de dessus moi et que je n'allais pas mourir jusqu'à ce que j'accomplisse l'œuvre de Dieu. At that moment, I become strong again. Je me suis relevé sans rien et je suis rentré à la maison avec une douleur et j'ai passé la partie touchée. J'ai marché, j'ai étudié et je suis allé au lit. Le lendemain matin, je me suis levé pour aller au travail. Lorsqu'elle m'a aperçu, mon ami qui avait été témoin de l'accident m'a regardé avec un grand étonnement. Je lui ai dit que je ne mourrais pas avant d'avoir accompli l'œuvre de Dieu. Un autre endroit encore, nous revenions du travail tous la même moto, car c'est la seule moto qui dessert notre quartier. Le conducteur a eu les jambes sévèrement touchées. La moto était hors d'usage. The bike was smashed. But me, the only thing that happened to me is that my sandal was cut. La seule chose que je déplorais était la perte de mes sandales. Elles étaient coupées. You that should have been done. Je n'avais rien au grand étonnement des observateurs. Okay. J'ai ramassé mes sandales et je me suis mis à partir. My toe. Le conducteur a dit, laisse-moi te conduire à l'hôpital parce que j'avais une écorchure sur un orteil. J'ai dit non, prends soin de toi-même. Moi, j'ai Jésus. Il va me guérir. Arrivé à la maison, on a enduit mon orteil d'huile. Et le lendemain, j'étais de nouveau debout. Beaucoup de choses sont passées, mais rien ne m'a touché. J'ai vivré et accompli l'œuvre de Dieu. J'ai vivré pour entrer au ciel. Vous avez suivi ce témoignage, n'est-ce pas? Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Le verset 36, qu'est-ce que ça dit, mon cher frère? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous avez entendu ce qu'il dit? Encore? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous avez entendu l'exhortation de la Bible, n'est-ce pas? Veillez donc et priez. Voilà l'objet pour lequel nous nous réunissons. Donc j'ai voulu donc que nous suivions ce témoignage afin que ça vous prépare. Donc pour ceux qui auront ce témoignage, j'ai prié que chaque fois donc que vous mettiez cela pour suivre, parce qu'au fur et à mesure que vous allez suivre des choses de nouvellement. On va donc s'examiner, comme la Bible recommande. On va donc s'examiner, chacun va s'examiner. Mon rôle en tant que prédicateur, ce sera de nous mettre sur ces célèbres-là pour orienter, afin que chacun sache comment s'en sortir. Vous allez vous juger. Nous allons nous juger comme si nous étions devant le tribunal de Christ. Ne pas tolérer une trace. C'est n'est-ce pas? Parce que si tu tolères une trace par toi-même, si tu juges selon ta mesure, Dieu va te juger selon sa mesure à lui. Ce que tu pourras couvrir comme n'étant pas le péché, Dieu va appeler ça péché. Et quand c'est le péché, c'est estampillé en fer. Il n'y a pas de double mesure. Donc, à cette génération, à plusieurs reprises, Jésus-Christ est en train de donner témoignage après témoignage pour montrer qu'il est souverain, qu'il est sur le point de faire son entrée. Le vrai problème, c'est que lorsqu'il s'élève déjà et traverse les cieux pour être sur les nuées et appelle les gens dans l'enlèvement, la seconde d'après, ça sera terminé. C'est pour ça qu'à l'entrée ici, j'ai dit, et si je venais après? Et si je n'étais pas là après? Qu'adviendrait-il? Qui accuserais-je? Donc après avoir écouté ce témoignage, nous avons la grâce d'examiner la parole chaque fois et que Dieu nous conduit dans la vérité. Si avant, après avoir écouté la vérité, nous demeurons dans l'enlèvement, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Personne n'est exempté. Ce n'est pas le fait que tu sois beau ou quoi que ce soit. Vous avez vu dans le témoignage qu'il y avait toutes sortes de personnes là-bas. Toutes tranches d'âge, toutes catégories, toutes sociales. Ce n'est pas dans cette question. Il ne s'agit pas de donner son argent pour l'église. Il ne s'agit pas de soutenir l'œuvre de Dieu. Puis encore, il ne s'agit pas de prêcher la parole. Non seulement il faut prêcher la parole, il faut vivre la parole, premièrement. C'est le principe immuable de l'écriture. La Bible déclare que Ezra a été versé dans les écritures. Il avait appliqué son cœur à appliquer la parole de Dieu sur sa propre vie. Il enseignait donc aux Juifs. Jésus a dit, ôte premièrement la paille qui est de la poutre qui est dans ton œil, tu verras la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Il a dit qu'une lumière n'est pas faite pour cacher sous le boiseau, ça brille pour les autres. Il faut que tu sois d'abord lumière. N'est-ce pas, frère bien-aimé? Donc, au sorti de ce témoignage, j'ai pris que nous prenions des choses au sérieux. Je prie que nous prenions les choses au sérieux parce que ce qui est comme attitude humaine, c'est que après avoir écouté quelque chose comme ça qui choque un peu notre sensibilité, les premières semaines, nous sommes loin dans la foi. Nous sommes galvanisés dans la foi. La semaine d'après, nous retombons exactement au point zéro comme nous étions là-bas. Pourquoi? Parce que nous ne prêtons pas attention chaque fois là-dessus. La Bible dit donc que saignez le règne de votre entendement. Parce qu'on vous mesurera selon la mesure dont vous serez servi. Après, la Bible déclare qu'à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Vous saisissez la parole, n'est-ce pas? À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Il y a des gens, prenons un exemple simple, les témoins de Jéhovah ne croient même pas à l'enlèvement. S'ils ne croient pas à l'enlèvement, ça suppose que, à moins que le Seigneur Jésus n'enlève quelqu'un de là, ils n'entreront pas du tout. Donc imaginez le vaste empire des témoins de Jéhovah qui restera dans l'enlèvement. Imaginez. Imaginez le vaste empire des musulmans qui resteront. Imaginez les vestes habits des bouddhistes, des toutes sortes de religions. Le plus grave, c'est qu'eux, ils ne crieront pas. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas ce mystère de l'enlèvement. C'est à l'église. Parce que Christ n'a pas dit qu'il va retirer les êtres humains sur la terre. Il dit qu'il va retirer l'épouse, l'église pour laquelle il est mort. Il est allé à la croix. C'est n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce standard-là. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, à partir de mercredi, nous allons commencer l'examen. D'accord? Nous allons commencer l'examen. Je vais seulement parler. On va parler des péchés dans différentes formes. Particulièrement le péché d'omission, particulièrement le péché dans les pensées, particulièrement parce que c'est là justement le vrai problème. Comme vous avez entendu, les gens étaient inconscients de leur péché. Pourquoi? Parce qu'on croyait qu'on était saint. On croyait qu'on était, on arrivait à arriver au niveau de la sainteté dont il est question. La sainteté sur la terre n'a pas de limite. Sur la terre, pour les êtres humains, la sainteté n'a pas de limite. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça n'a pas de limite. Il n'y a pas un standard où on va s'arrêter ici, tant qu'on est ici. Vous savez, n'est-ce pas? On va se sanctifier davantage. Donc chacun va pleurer pour sa part devant le Seigneur face à face. Mercredi, venez avec vos cahiers. D'accord? On va prendre du temps pour travailler là-dedans. Vous avez assez mangé les Écritures. Vous avez assez mangé dans la parole. Je crois que la parole vous a nourri véritablement maintenant là. Nous allons aller maintenant à la phase pratique. Là, cette phase pratique, c'est dégager tout ce qui peut créer obstacle entre nous et Dieu afin que Dieu prenne place dans notre vie. Afin que la parole fasse place dans notre vie. Que nous soyons un avec la parole. D'accord? Alors vous allez entendre ces paroles de l'Écriture, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça ne sera pas la récitation qu'on récite dans les dénominations. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse donc. Mm-hmm.